ni Bell ni Vigira. Innocent Bibondimana sur la mise en onde. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici d'abord l'essentiel. Certaines organisations de la société civile saluent le déroulement du récent triple scrutin du 20 mai. Vous entendrez ce qu'en disent le Conseil national de la jeunesse et le collectif des victimes des massacres de 1972 et consorts. Les albinos font face au manque de matériel de protection contre le soleil. Vous l'entendrez dans son journal, le chargé ad intérim des projets au sein de l'association des albinos sans frontières au Burundi. Et dans cette édition également, l'on parlera de ces caféculteurs de la province Karusi qui s'indignent de la classification de leur café cerise de couleur jaunâtre au lieu de rouge. Et bien voilà pour l'essentiel de cette édition. Innocent Bibonimana assurant la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, je vous le disais tout à l'heure, le Conseil national de la jeunesse au Burundi salue le déroulement des récentes élections du 20 mai dans une déclaration sortie ce jeudi. Ernest Nzosaba, président du Conseil, demande aux jeunes de cohabiter d'une manière pacifique pendant cette période post-électorale, sans faire recours aux persécutions pour avoir voté pour tel ou tel autre candidat. Il dit également que son conseil compte rassembler les leaders des jeunes pour qu'ils puissent donner leurs préoccupations à soumettre aux nouveaux élus. Suivez Ernest Nzosaba. Le message que nous donnons, c'est le message de paix, le message de l'unité, le message de tolérance entre les Burundais. Parce qu'après les élections, on doit travailler. Parce que si on ne travaille pas, c'est la fin qui va nous arriver. Nous demandons alors aux Burundais d'être en paix pour que nous puissions jouir la paix au Burundi. Comment est-ce que la population doit se comporter? Nous demandons à la population de rester calme, de rester unie. Parce que si nous sommes unis, c'est le développement qui vient. Nous allons nous développer. Nous allons jouir la paix au Burundi. Le message que nous donnons, c'est le message de paix. Visiblement, l'élément commandé n'est pas celui qui a été donné au niveau de la cabine technique. C'est le Conseil national de la jeunesse au Burundi qui salue le déroulement des récentes élections du 20 mai dans une déclaration sortie ce jeudi. Ernest Nzosaba, président du dit conseil, demande aux jeunes de cohabiter d'une manière pacifique pendant cette période post-électorale, sans faire recours aux persécutions pour avoir voté pour tel ou tel autre candidat. Il dit également que son conseil compte rassembler les leaders des jeunes pour qu'ils puissent donner leurs préoccupations à soumettre aux nouveaux élus. Suivez Ernest Nzosaba. Le Conseil national de la jeunesse du Burundi suivons de près tout le processus électoral pour les élections de 2020 et porter à la connaissance du public que les élections se sont bien déroulées. Nous félicitons et encourageons la Commission électorale nationale indépendante pour tous les efforts fournis dans le but d'organiser des élections paisibles, libres, démocratiques et transparentes. Nous, le Conseil national de la jeunesse du Burundi, avions pris l'initiative d'encadrer et de former tous les leaders des jeunes en général et les jeunes affiliés aux partis politiques en particulier sur l'éducation à la citoyenneté et la cohabitation pacifique entre, avant, pendant et après les élections. Nous saisissons alors de cette opportunité pour remercier la jeunesse burundaise qui, jusqu'à nos jours, a adopté un comportement satisfaisant dans le but de mettre de loin les obsessions de tout politicien voulant l'inciter à perturber la paix et la sécurité, afin que ce dernier arrive à ses intérêts personnels cachés. Mais il y a des personnes qui sont persécutées pour voter pour tel ou tel autre parti. Quel est l'appel que vous lancez à l'endroit de ces jeunes? Je ne suis pas d'avis qu'il y a des jeunes qui sont persécutés ou parce qu'ils ont voté pour un ou autre parti politique ou coalition politique. Mais ce que je dirais à ce moment aux jeunes burundais, c'est que dans une démocratie, chacun a droit de militer dans un parti politique de sa volonté. C'était Ernest Nzosaba, qui est président du Conseil national de la jeunesse au Burundi. Et le collectif des familles et des victimes des massacres de 1972 avant et après se dit satisfaite du déroulement du vote et félicite celui qui les a remportés. Dans un communiqué sorti ce jeudi, Monseigneur Justin Nzoyisaba, coordinateur adjoint de cette organisation, demande aux Burundais de rester sereins dans la diversité de leurs opinions et de s'atteler aux travaux de développement. Suivez Monseigneur Justin Nzoyisaba. Visiblement, l'élément, le son que nous a proposé n'est pas lisible, mais on va peut-être y revenir dans, après cette transition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Et en page agriculture à 13h05 dans les yeux de la radio Isanganiro, tout en vous rappelant que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org. Des caféculteurs de la province Karusi qui s'indignent de la classification de leur café cerise de couleur jaunâtre au lieu de rouge. Selon ces agriculteurs, cette cerise, ce café, s'achète à un prix un faible prix étant donné qu'il est classé dans la catégorie B. Les caféculteurs disent que cette maturation jaunâtre est liée à la transition de la saison sèche et celle de pluie. L'Office pour le développement du café du Burundi, ODK en sigle, affirme qu'il est au courant de cette préoccupation. Emmanuel Niyungeko, directeur général de l'ODK, tranquillise et fait savoir qu'avec les techniciens de l'ODK, cette solution sera bientôt résolue, que cette question, pardon, sera bientôt résolu, fidèle d'Antoine Sabimane. Sur la côte d'Assazi, commune Chombo de la province Karusi, où se trouve une usine de dépulpage et de lavage du café, caféiculteurs qui vendent leur café de maturation jaunâtre, disent qu'ils enregistrent une perte. Manila Kiza Longé, il est le représentant de ces caféiculteurs de la colline Bukirasazi. Chaque fois durant cette période de transition saisonnière, nous cueillons le café de maturation jaunâtre et c'est la période de pic pour nous. On ne pourra plus avoir de la cerise rougeâtre. Ce n'est pas un problème à nous, mais c'est plutôt lié à l'ensoleillement intense sur nos plantations café. L'Office pour le développement du café au Burundi, ODK en sigle, fait savoir qu'il est au courant des préoccupations de ces caféiculteurs et que c'est lié à la transition de la saison pluvieuse à la saison sèche. Emmanuel Niyungeko, directeur général de l'ODK, tranquillise et précise que son office et ses partenaires techniques vont trouver une solution en faveur de ces caféiculteurs. C'est un problème lié d'abord à la sélection de la cerise A et de la cerise B parce qu'à un certain moment, les gens ne comprenaient pas réellement comment le faire. Et surtout, il y a une préoccupation des caféiculteurs faisant étant d'une maturation de la cerise jaunâtre et non pas rougeâtre suite au changement climatique. Mais au niveau technique, nous allons voir comment quand même sauver ces caféiculteurs en leur donnant l'autorisation, bien sûr, de classer cette cerise de la catégorie de cerise A. Les préoccupations des caféiculteurs de Karusi sont partagées avec ceux de la province Gitega, mais là aussi, le DK promet une solution. Merci fidèle d'Antoine Sabimana. Le manque de kit anti-soleil et de protection de la peau comme des lunettes et les crèmes protectrices de la peau, ainsi que l'absence de structures de santé pour le traitement spécifique des maladies de la peau pour les albinos, telles sont certaines des difficultés auxquelles fait face cette catégorie de Jean-Chadrac et Nahum Moulemni, le chargé ad intérim des projets au sein de l'association Albinos sans frontières au Burundi. Demande de soutien de la part de l'État et des bienfaiteurs civils. Avec le début imminent de la saison sèche au Burundi, période où le soleil brûle plus que d'habitude, les albinos sont exposés et susceptibles d'attraper des maladies de la peau et même le cancer. Nahum Lemi Chadrak, chargé des projets au sein de l'association Albinos Sans Frontières, dit qu'il leur est difficile de se faire soigner au Burundi. Au Burundi, nous sommes dans la difficulté de se faire soigner. Dans tout le pays, par exemple, il y a 24 albinos qui ont des blessures qui pourraient virer vers le cancer. cancer de la peau. 12 autres sont malades et sont dans la nécessité d'être traités et on n'a pas de solution ici au Burundi. En Burundi, on propose des médicaments pour atténuer la maladie et il n'y a pas de médecins spécialistes pour nous soigner. On se rabat sur le Rwanda et la Tanzanie pour soigner nos malades. Kwizera Amos, l'un des albinos ayant des problèmes de peau, dit que les albinos rencontrent des problèmes d'intégration et qu'ils sont discriminés, que ce soit à l'école en particulier, même dans la vie sociale en général. Nahum Remy Shadrach ajoute que les albinos ont besoin d'un grand soutien de la part de l'État et des bienfaiteurs pour l'accès aux soins de santé. Nous avons besoin de soins spécifiques à notre catégorie de gens. Nous avons besoin d'un soutien matériel pour faire soigner nos malades à l'étranger. L'État devrait prendre en main notre problème, tout en remerciant le ministère de la Solidarité pour leur soutien de temps à autre. Ces albinos demandent aussi à l'État de leur pourvoir en kit de protection contre le soleil, comme les lunettes antisolaires, les parapluies et les crèmes protectrices. Revenons sur la page des réactions sur les récentes élections du 20 mai dernier. Cette fois-ci, c'est l'Observatoire national des élections et des organisations pour les élections qui apprécie positivement le déroulement de la récente triple élection du 20 mai dernier, malgré quelques irrégularités qui ne peuvent pas entacher le processus électoral, d'après le coordinateur national de cette organisation, Sulpice Nkulikiye. Demande aux futurs dirigeants de le d'œuvrer pour tous les Burundais civils. Enrof Burundi étant une organisation de la société civile qui s'intéresse aux élections avant, pendant et post tout scrutin, et nous remercions le bon Dieu Tout-Puissant qui a gardé le peuple burundais le jour des trois scrutins inhabituels le même jour au Burundi, le 20 mai 2020, dans la paix et la sécurité. Et l'Europe Burundi remercie les observateurs déployés pour observer le scrutin précité. Et à travers nos observateurs, les électeurs se sont bien déroulés dans la paix. Démocratie, dans la liberté et la transparence. Et les quelques irrégularités observées ne peuvent pas entacher les résultats des urnes. Votre organisation dit avoir remarqué quelques irrégularités observées par vos mandataires ici et là. Pourrait-on savoir ces quelques irrégularités? Quelques irrégularités qu'on a observées, il y avait quelques individus mal intentionnés qui ne souhaitaient pas que les élections se fassent dans la paix et dans la sécurité. Mais il y a l'administration et les forces de l'ordre ont essayé de les maîtriser et nous remarquons que tout a été bon. Et quel serait votre souhait, quelle serait votre demande à l'endroit qu'est-ce que vous demandez justement à ces nouveaux dirigeants de demain? Nous demandons aux futurs dirigeants à gouverner pour tout le monde, pour tout le peuple burundais, pour ceux qui les ont élus et ceux qui ne les ont pas élus, parce que tout le monde a besoin de vivre dans la paix, dans la sécurité et dans le développement pour tout le peuple burundais. L'Observatoire honnête. Et c'était le coordinateur national de l'organisation En Europe Burundi. Et le collectif des familles et des victimes des massacres de 1972 se dit également satisfait du déroulement du vote et félicite celui qui les a remportés dans un communiqué sorti ce jeudi. Monseigneur Justin Zoïsawa, coordinateur adjoint de cette organisation, demande aux Burundais de rester sereins dans la diversité de leurs opinions et de s'attirer aux travaux de développement suivis. Le message que nous donnons, c'est le message de paix, le message de l'unité, le message de tolérance entre les Burundais. Parce qu'après les élections, on doit travailler. Parce que si on ne travaille pas, c'est la fin qui va nous arriver. Nous demandons alors aux Burundais d'être en paix pour que nous puissions jouir la paix au Burundi. Comment est-ce que la population doit se comporter? Nous demandons à la population de rester calme, de rester unie. Parce que si nous sommes unis, c'est le développement qui vient. Nous allons nous développer. Nous allons jouir la paix au Burundi. C'était Monseigneur Justin Nzosaba. Et la Commission électorale nationale indépendante remercie les différents intervenants qui ont contribué à la réussite de ces élections. Le président de cette commission dit que la plupart d'observateurs qui étaient sur terrain se disent satisfaits du déroulement des élections. Quant à ceux qui ont annoncé avoir relevé plusieurs irrégularités, le président de la CENI a souligné dans un point de presse de ce jeudi qu'ils auront l'occasion d'échanger sur les résultats de leur mission d'observation au Bain Niyonkuru. La Commission électorale nationale indépendante informe que 39 organisations ont été sur terrain pour suivre le déroulement des élections. Selon les rapports déjà fournis, le président de la CENI indique qu'il montre que les élections se sont bien déroulées d'une manière générale. Quant au groupe d'observateurs qui ont relevé des irrégularités, Pierre Claver-Kazis leur invite à revisiter le rapport. Que sur 39 organisations, une seule constate des choses que les 38 ne constatent pas. Mais ceci dit, c'est normal, ils ont remarqué des choses, ils ont dit des choses. Nous avions, en préparation des élections, nous avions tenu plusieurs réunions avec les observateurs, des réunions dont certaines étaient destinées à les former à l'observation électorale, pour que effectivement ces observateurs soient efficaces. Maintenant, nous projetons de pouvoir tenir une réunion à la fin, quand ils auront déjà rendu des rapports, pour que nous puissions discuter les uns avec les autres pour voir si effectivement ils ont pu réaliser le travail pour lequel ils s'étaient, n'est-ce pas, préparés. Le président de la CENI a également remercié ceux qui se sont impliqués pour la réussite des élections. Le gouvernement, le Parlement, l'institution judiciaire, les institutions chargées de la sécurité et de la défense, l'administration en général, les partis politiques et les candidats aux différents niveaux. Nous remercions les observateurs nationaux, les membres des missions diplomatiques et consulaires dans notre pays. Les hommes et femmes de médias ont assisté et rapporté les opérations électorales depuis l'ouverture des bureaux de vote, en passant par le vote lui-même, la clôture des bureaux, le dépouillement des votes et même la compilation des résultats au niveau communal et même provincial. Concernant les informations relatives au déroulement des élections qui ont été supprimées sur le site web de la CENI, Pierre Claver-Kazis indique que ces informations manquaient des éléments pour être authentiques. Il y a la question des candidats qui ont été rayés des listes de candidats comme à Matongo, en province de Kayanza. Pierre Claver-Kazis dit que les questions des listes de candidats ne sont plus au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, mais qu'ils pourront échanger pour résoudre toutes ces questions. Merci Oban Niyonkuru. Et c'est ce 28 mai que le monde célèbre la journée d'action pour la santé des femmes. La radio Isanganiro a profité de cette occasion donc pour visiter le site de Kigalamango de la zone Gatumba. C'est en province de Bujumbura où sont regroupées les victimes d'inondations, y compris les femmes. Ces dernières précisent qu'il s'observe un problème d'hygiène est plus grave quand il s'agit d'hygiène intime. Elle demande donc aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Et en page sécurité, une personne a été tuée à l'aide d'un couteau le soir de son mercredi au chef-lieu de la commune Mabanda en province Makamba. Selon Laetitia Niyonkuru, administrateur de la commune Mabanda, la victime a été tuée par son ami avec qui il partageait un verre dans un bistrot. Elle dit ignorer les mobiles de son meurtre. Elle demande d'attendre des enquêtes policières pour connaître les mobiles de cet assassinat. Et enfin, page environnement, les emballages en plastique sont toujours présents partout dans les marchés de la mairie de Bujumbura. Les commerçants indiquent que leurs clients préfèrent les sachets non biodégradables car ils sont moins chers. Les autres préfèrent vendre en parallèle les non biodégradables et les biodégradables pour faciliter leurs clients. Le point avec Yvette Nijimbiri. Dans certains endroits où nous avons passé au marché de Kinindo, dans les stands où on vend les marchandises de première nécessité, les emballages en plastique sont toujours présents. Les commerçants indiquent que leurs clients préfèrent acheter les sachets non biodégradables parce qu'ils sont moins chers. Même s'ils n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros, ils nous ont signalé que les emballages de substitution sont en quantité insuffisante. Au marché Luvumera, on y rencontre des commerçants qui vendent les sachets biodégradables. Néanmoins, ces commerçants se plaignent, disant qu'ils travaillent à perte parce qu'ils n'ont pas les clients. Dans certains endroits, les vendeurs préfèrent étaler ces sachets parallèlement pour faciliter le choix du client. Nous vous signalons que les sachets biodégradables s'observent en grande quantité dans le centre-ville. Les commerçants disent que c'est parce que les acheteurs diffèrent de ces autres marchés. Yvette Nijimbele, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Innocent Biboné m'en était à la mise en onde. Eline Bel Nibigira, j'étais à la présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.